Auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. Ça, c'est pour l'émission Hertzienne le lundi à partir de 21h30. Émission également écoutable, podcastable avec les playlists à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de nos émissions estivales, programmes estivaux consacrés à la saga des labels en tout genre. Et cette semaine, elle négocie To Records. Alors, j'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un label hispanique, mais pas du tout. Ils sont tout bonnement belges et ils sont spécialisés dans le jazz free, label initié en 2009 par le café-concert du même nom, El Negocito, à Gand, et dédié aux rencontres en tout genre, rencontres entre belges et latinos, et aussi spécialisés tout autant en cuisine chilienne qu'en jazz free, de très très grands crus, des disques enregistrés souvent live mais pas que, parfois en coproduction et mutualisation aux côtés d'autres labels, souvent en financement participatif pour assurer le mastering et le pressage. Et dans les signatures, bon, principalement un focus sur la scène belge assez méconnue par chez nous, que le label contribue à mettre en valeur, notamment les contrebassistes Peter Jackmin et Lawrence Smith, les saxophonistes Jan Dahlman ou encore Jeroen van Herzele, le trompettiste Bart Maris, le pianiste Eric Vermeulen, et puis pas mal de musiciens aussi un peu vétérans de la scène belge et aussi néerlandaise, tels que Chris Wanders, qu'on a pu rencontrer ces derniers mois, notamment par des disques aux côtés du groupe Noise Exhaustion. El Negocito, qui organise également le festival en extérieur citadélique, non loin du musée de Gand, en général au début du mois de juin, avec quelques dates aussi dans l'année. Un label dont s'occupe Roger Verstraté, qui est également producteur de films et qui donc se consacre à El Negocito Records depuis la fin des années 2000. On va attaquer avec l'une de leurs dernières productions. Il s'agit du combo Musica de Salvagem, qui est sorti en mai dernier, un quintet de sax, trompette, contrebasse, batterie, dans lequel on retrouve des Brésiliens expatriés en Belgique, notamment Philippe Nader et Marcello Coelho au sax, Celio Barros à la trompette, Arthur Declot à la contrebasse et Guilherme Marquez à la batterie. On va écouter donc un extrait de ce disque éponyme Musica des Selvagem et comme de juste pour le titre qui démarre cet opus, le morceau Istoé Adoniran. Thank you. Petite entrée en matière du label El Negocito Records avec deux productions assez récentes. Tout d'abord, Musica de Salvagem, la musique des bons sauvages brésiliens mais expatriés en Europe. Alors je crois qu'ils sont retournés au pays depuis, ces cinq musiciens, deux saxophonistes, un trompettiste et une section rythmique. Donc ils ont dû rentrer au Brésil à peu près au moment où était sorti ce disque, au mois de mai, sur le label belge. Ils ont vécu tour à tour en France, en Belgique et aussi en Espagne. Et on a enchaîné avec une autre production, également un CD récent de El Negocito Records, le projet Kinro XL, donc XL en version extra large, puisqu'à la base, en fait, il s'agit d'un duo de musiciens, ce fameux XL, une rencontre plutôt entre piano et flûte qui existe depuis pas mal d'années. Et puis ça s'est un peu maturé dans différents combos à géométrie variable. Il y a eu un premier disque chez El Negocito en 2014, d'une formation déjà un peu élargie. Et là donc il s'agit d'une grande formation dans laquelle on retrouve presque un orchestre à la Mingus, on pourrait dire, un honnête ou tintette avec pas mal de soufflants, trompette, clarinette, sax, flûte, phonium aussi et du piano. Voilà, on y retrouve d'ailleurs le batteur Ton Verbruggen, qu'on retrouve dans pas mal de projets de jazz contemporain en Belgique également, ainsi que le bassiste électrique Lorenz Smet. Et on y retrouvait également d'ailleurs des musiciens qui figurent dans le projet qui va suivre, qu'on vous a déjà proposé d'ailleurs dans le courant de l'année dans l'émission que vous écoutez présentement, le IFAYXANGO Tintet, donc un grand orchestre dans lequel on retrouve aussi des musiciens issus de Musica de Selvagem. L'album s'intitule Twice Left Handed, et là bon, il y a pas loin de 10 ou 12 musiciens, pas mal de soufflants également. On y retrouve notamment les musiciens que je vous ai mentionnés précédemment, Nils Van Erten, également Philippe Nader et Victor Pertrius font la section de soufflant. Et puis il y a du clavier électronique également dans IFAYXANGO Tintet. Je vous avais passé un morceau assez groove, presque funkisant, dans l'émission L'Asile le plus sûr d'il y a, je ne sais pas, 6 mois, quelque chose comme ça. Je propose d'attaquer avec un titre un peu différent qui s'intitule le Gamma. On écoute le IFAYXANGO Tintet. Et voilà donc un aperçu des productions du label de monsieur Roger Verstraete, alias El Negocito Records, le label de Gand, à qui nous consacrons cette spéciale ce soir. On a démarré avec le projet IFAYXANGO Tintet et the disc Twice Left-Handed Shavings, qui était sorti à l'été 2015, qu'on vous avait proposé d'ailleurs l'année dernière, quasiment à sa sortie. Un disque vraiment très très bon, d'une grande formation qui réunit pas mal des musiciens belges et des expatriés brésiliens, italiens et que sais-je encore dans le jazz belge le plus free. Et on a enchaîné avec le premier disque en date de ce label El Negocito Records, qui était sorti en 2009, donc en CD, la rencontre entre le saxophoniste Van Herzele et le batteur Barcella, Giovanni Barcella, qui est un musicien italien qui a vécu dans pas mal de pays, entre le Pays-Bas, le Portugal, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et qui s'est établi apparemment en Belgique depuis la fin des années 90. Il est à l'origine de pas mal de productions aussi en tant que batteur donc pour El Negocito Records. Et quant au saxophoniste, lui il a démarré aussi au début des années 90, Jeroen Van Herzele. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup penser à ce que pouvait produire par exemple John Coltrane en compagnie de Rachid Ali sur le fameux disque Interstellar Space. Voilà donc pour le Barcella Van Herzele duo. Je propose d'enchaîner avec une autre des productions El Negocito Records, et cette fois-ci ce sont des Français, des petits Français qui rencontrent un musicien belge, et c'était une des productions aussi d'El Negocito qui nous avait beaucoup fait prêter l'oreille à ce label. Donc Wallabix, qui est une formation dans laquelle on retrouve l'un des frères Secaldi, Valentin au violoncelle, avec deux saxophonistes et un batteur. Wallabix qui invitait donc Bart Maris, trompettiste qui est assez actif dans le jazz contemporain en Belgique. Et le disque était vraiment très très réussi. Je propose de vous en rendre compte avec le titre Ingram, extrait de ce Wallabix rencontre Bart Maris. Thank you. À l'instant, l'Asie le plus sûr, une large séquence autour du trompettiste belge Bart Maris, qui fait partie de pas mal de projets depuis une bonne vingtaine d'années, notamment X-Legged Sally, Flat Earth Society, Think of One, ou encore son projet avec son frangin Jaune Toujours. On a pu l'entendre sur deux productions du label de Gand El Necocito Records. Tout d'abord, Wallabix invite Bart Maris, un disque qui était sorti au printemps de l'année 2015, qui était coproduit d'ailleurs entre El Negocito, Tricollection, le label du Tricollectif, et Bicoc Records, qui s'était collé à cette coproduction d'un disque vraiment très très réussi. Et on a enchaîné avec la rencontre entre Monsieur Maris et Lode Verkampt au violoncelle, ça s'entendait. L'album s'intitule Chrome Keir. Il est sorti conjointement en vinyle et en CD. Et on aura l'occasion de retrouver Bart Maris dans d'autres projets de cette nébuleuse El Negocito Records. Je propose d'enchaîner sans plus attendre avec Naked Wolf, qui est une formation dans laquelle on retrouve des gens un petit peu connus, notamment pour l'Asie de le plus sûr, Luke X, le fameux ex-guitariste avec sa guitare électroacoustique de ZX, bon, qu'il a quitté déjà depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années. Et dans ce projet également, un soufflant Yedo Gibson, qu'on vous avait proposé aussi à l'occasion d'un disque qu'il a sorti très récemment aux côtés de Vasco Trilla à la batterie. Un très très bon disque de jazz free avec son souffle continu très très incroyable. Le disque Inhérente Chirality qu'on vous proposera pas ce soir, mais donc à la place on va le retrouver au sein de ce Naked Wolf, qui est une formation à un septet ou octet d'ailleurs, avec aussi de la trompette, mais là c'est pas Bart Maris, et de la guitare électrique ainsi que la guitare acoustique de Lukex. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça envoie du petit bois, ce disque éponyme de Naked Wolf, sorti également sur El Negocito Records. On écoute le titre qui démarre ce projet, Naked Wolf. Avouez que l'impro belge est plutôt assez coloré. On a démarré avec Naked Wolf, qui est le septet qui réunit Yedo Gibson, Lukex et tous leurs amis, notamment le joueur de clavier Offre Klemperer, qui faisait pas mal dans la coloration sonore de ce projet et ce disque éponyme qui était sorti en 2014 sur El Negocito Records. Et on a enchaîné avec le quintet Juquois et le disque Harbinger of Imminent Ruin, qui était sorti en 2015. On en avait proposé d'ailleurs un extrait à l'époque dans l'Asile le plus sûr. Et c'est la réunion entre le trio Juquois, qui avait sorti un premier disque et qui sont rejoints par deux musiciens, donc trio au départ piano, contrebasse, batterie, et qui sont rejoints par deux musiciens et pas des moindres, le guitariste Jonas van der Bosche et le saxophoniste des Dead Neanderthals Otto Koke, deux invités qui rajoutent sacrément à la sauce de Juquois. Le disque est vraiment très très bon de bout en bout, dans ce genre d'ambiance pied au plancher du début à la fin, et donc une très belle production encore du label de monsieur Roger Verstrate, El Negocito Records. On va continuer avec un live, cette fois-ci non pas dans le club El Negocito mais dans un autre club free de Gand, qui est à quelques pâtés de maison, club où joue tout autant The Thing, le projet de Mats Gustafsson, que Trevor Watts et autres, Roy Campbell. Il s'agit de la Resistenza, et c'est un trio qui réunit une section rythmique de rêve en les personnes de William Parker à la contrebasse et Hamid Drake à la batterie, invité par John Dickeman, le fameux américain qui vit au Pays-Bas et qui fait partie de Cactus Truck et quantité d'autres projets tels que Universal Indians, 21 Quartet et autres, Dickman Noble Series Trio, disque qui avait été enregistré en concert en 2015, publié en CD par El Negocito Records. Que rajouter de plus si ce n'est que c'est sublime et bien évidemment des pièces à rallonge. Je propose d'écouter un extrait de ce disque live at La Resistencia de William Parker, Hamid Drake et John Dickeman. Thank you. John Dickman dans ses œuvres, dans l'Asile le plus sûr, aux côtés de William Parker et Hamid Drake, extrait de ce concert à la Resistanza de Gand le 5 mai 2014 en Belgique. Un très très beau disque publié par El Negocito Records en coproduction avec Tractata, le label américain, et une très belle pochette aussi d'ailleurs pour ce disque qui est vraiment furieux, comme à peu près tout ce que fait John Dickman, qui est un peu le noble descendant de Peter Broadsman, Ken van der Mark et consort, vraiment l'un des plus grands ténors au monde de ces dernières années. On va continuer avec une autre production du label El Negocito Records et calmer le jeu avec un trio qui répond au nom de Back Back et le disque 3. Alors Back Back, c'est un trio baryton, batterie un peu d'électronique et guitare baryton également. Ça fait beaucoup penser à la musique de Morphine qui rencontrerait du jazz contemporain et free. Je propose d'écouter le titre Joe sur ce disque Back Back 3 de El Negocito Records. Yeah. Quelques mesures d'El Negocito Records pour terminer cette spéciale de l'Asie le plus sûr. On a démarré avec Back Back et le disque 3 qui était une production d'il y a quelques années et enchaîné avec un disque sur lequel on retrouve un vétéran de la scène de Gand, la personne de Paul Van Giesegem qui vient de fêter ses 80 ballets, contrebassiste qui a sorti un disque d'ailleurs aux éditions Futura Records de Gérard Terrones au début des années 70 en sextet, l'un des pivots connectés à la scène FMP, ICP et compagnie, avec son camarade, le trompettiste Patrick de Groot. Ça pour boucler un peu la boucle du jazz free belge autour des activités du label El Negocito Records, qui a sorti aussi un disque d'ailleurs d'Evan Parker en compagnie de Peter Jackman ou encore de Chris Wanders, qui est un autre vétéran qui a connu les années 60 et 70 entre les Pays-Bas et la Belgique. On a écouté donc Back Back et ce projet CO2 Quartet qui réunissait le saxophoniste Sel Overberge en compagnie de son fiston d'ailleurs Tom Van Overberge aux guitares et aux sax, ainsi que le batteur Giovanni Barcella qu'on a rencontré dans pas mal d'autres projets. L'émission touche quasi à sa fin, le temps pour moi de vous rappeler qu'elle est entièrement podcastable avec ses playlists à partir du blog asile35.blogspot.fr. La semaine prochaine, nouvelle spéciale autour des labels de l'été. Et cette fois-ci, il s'agira du label polonais Monotype Records. Voilà, on se quitte avec un dernier titre et il s'agit de Liop et le disque Lamp. Que Liop avec deux L, disque sorti en juillet de l'année 2015, donc là encore une production très récente de ce label de Roger Verstraete. On écoute pour conclure donc ce trio Liop, projet donc entre le saxophoniste Eric Bogert, le guitariste Benjamin Sozero et le batteur électroacousticien Jens Boutery. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine, à bientôt. Thank you. Thank you. Thank you.